Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, l'imam Al-Allama Ibn Qudama Al-Maqdisi, Rahimahullah. Tahmounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala, cours numéro 34. On commence Al-Muraja'a. Al-Su'al Al-Awwal, ma hiya aqidatu Salaf fi l'asma'i wa s-sifat. عقيدة السلف في الأسماء والصفات إثبات أنهم يثبتون بلا تمثيل وينزهون الله عز وجل بلا تعطيل. ما معنى هذا المعتقد؟ سبجق هذا أنهم يثبتون الأسماء والصفات بدليل من الكتاب والسنة. ارفع صوتك ما اسمع. وننفي عنه ما نفى عنه او ما نفى عن نفسه عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم, اي النقائص والعيوب. لكن سبجق إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ما معنى هذا؟ لماذا؟ لأن بعض الناس لأن بعض الناس ils ont compris مثلا من الوجه que الله il a un visage c'est comme celui de la créature. Là on affirme et on dit qu'Allah il a des sifat, par exemple le visage, et abadan on fait ressembler aux créatures. Ahsan, lian Allah yaqul laysa kamithlihi shay. Awwalan ta'qida, c'est que tu affirmes, tu dis Allah il a des attributs sans faire ressembler. Fa la main, ou les deux mains, le visage, al-nuzul, les doigts, al-qudra, al-rahma, toutes ces sifat. Tu as une règle en ta manhaj al-salaf, tu les affirmes, les annales sont dans le Coran ou dans la Sunna, lakin tu t'écartes du tamthil. Les annales, il est comme ça. Fal'an, Allah, il a un visage, na'am. Est-ce qu'il est comme celui des créatures, là? Comment il est? Allahu a'lam. Ahsanta, hada, c'est ça, aqidat al-salaf. Tanzihun bila ta'atib. Ça veut dire quoi, hada? Tanzihun bila ta'atib. C'est ça la deuxième partie. أي نقول أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء, ونقول أنه صفاته عز وجل كاملة. On s'écarte de tous les عيوب, tout le نقص, لكن sans tomber dans le تعطيل. مثلا الجهمي يقول, الجهمي dit, on ne dit pas qu'Allah il ressemble aux créatures. طيب, on est d'accord avec lui. لكن il fait du rouleau في التنزيه حتى il arrive à dire en fait, Allah il n'a pas de main. Limada li anna la main, c'est comme la créature. Et la créature elle est faible. Et Allah il n'est pas faible. Il conclut de tout ça avec son tanzih, il fait du ta'til. Nous non. On dit Allah il ne ressemble pas à la créature. Allah il est parfait avec ses sifats, avec ses attributs. Lakin ça implique pas qu'on dément les sifats. Là, li anna, on a un os, on a une preuve qu'Allah il a, qu'il a des mains, il a un visage, il a un fait. Ça nous tweet. On affirme les sifat sans faire ressembler aux créatures, et en même temps nous nazir, on écarte, on s'éloigne de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ressemble aux créatures ou il a une faiblesse ou un défaut, tout ça sans faire de ta'atif. C'est ça aqidat al-salam. Ce qui répète ithbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'atil. Faddal, indaman. تنزه دون تعطيل. احسنت. لا لا هذا مهم يا جماعه. ça باذن الله on va le revoir. Tout ça c'est le début du livre. Il a expliqué aqidat al-salaf, il a cité aqwal al-tabi'in jusqu'à qu'il arrivait à ayat al-sihat. Ibn Qudama rahimahullah, il a cité de ce fait et il a appuyé avec des dalils pour montrer aqidat al-sunnah. Maintenant, la première sifa qu'il a cité, c'est le wajh. Ma dalil à la sifa de wajh. C'est quoi l'aqidat des salafs par rapport à cette sifa? L'ash'ari, l'mu'taziri, l'jamil, ils lisent tous le Coran. Et ils lisent ce verset. Lakin, en tant que sunni, c'est quoi ta aqidat? Wa yabqa wajhu rabbik dhul jalali wal ikram. C'est quoi ta aqidat fi hadha? On est dans une sifa précise, hein. Tu dis pas notre bête sifa. Ahsan, notre bête sifa tel wajh. Et c'est quoi ta aqidat là? Annahu wajhun haqiqi. Ahsan. Est-ce que je ressemble aux créatures? Abadan, laïsa kam idli shay. Comment il a le wajh? Allahu a'lam. Hatta su'al, on a dit, la yajoud. Lakin min bab al-ta'li, pour apprendre la base. Sifat al-yadan. Ma dalil? Abu Bakr. Ahsant, bal yadahu mabsoutatan. Certains mubtadi'a kal ash'ari, ils expliquent al-yad huna bil quwwa ou bil qudra. Comment on répond à ça? Bal yadahu mabsoutatan, eux ils vont dire c'est qudra. Ils vont dire nous on rejette pas le verset. Lakin l'explication du verset, ça veut dire les mains, ça veut dire la force. Comment on répond? نعم اولا سخلاف ظاهر النصوص الله الى دي باليداه الى با دي بالقدرته او قوته زد كذلك السلف ils ont jamais expliqué ce verset باليداه مبسوطتان par la force ابدا كذلك Et ça, on aurait pu le citer vers le bidaya. Ah non, il n'a pas de dalil. C'est quoi ton dalil? Il ne pourra jamais te le citer. Il a Hawa et son avis. Il y en a pour lui. Limada il a fait staouil. Ou staharif. Limada al-ash'ari al-munharif. Il ne dit pas. Bel yada ou mabsoutatan. Allah il a des mains, il a des mains. Limada. Ahsan li anna inda. Si tu dis main, dans sa raison. Pour lui, ça veut dire que c'est comme les mains des créatures. Ouais, c'est bâtel. Kadalik, une autre réponse, on avait rajouté, autre que la qaïda al-rabi'a. Naam. Comment tu réponds à celui qui dit, c'est la force? Lui va dire, ça veut dire, je l'ai créé de mes mains, ça veut dire de ma force. Comment tu le réponds? Eux ils vont dire, Allah, il a créé Adam de ses mains. Alors nous, on cite le verset. Eux ils vont dire, même Allah, il a créé de ses mains, c'est-à-dire sa force. Naam, lakin il n'est pas mutazé bi sifat al-khalq. Amma là, le verset qu'on a, khalaqtu. Enfin, lui, il va dire là, la force, c'est du khalq. Comment tu réponds? Ahzan. Khalaqa kulle shay bi qudratihi wa quwwati. Lakin ça montre que Adam, il est afdal min Iblis. Lianna Allah, il a ordonné de faire sujoud à Adam. Pourquoi? Lianna Allah, il l'a créé avec ses mains. Est-ce que Iblis, il a été créé? Adam il est créé, Iblis il est créé. La différence c'est qu'Adam il a été créé, Allah subhanahu wa ta'ala il a créé avec ses mains. Ça montre qu'Allah il a des vraies mains. Amma si on dit par la force, Iblis aussi il a été créé par la force. Allez où la différence entre Iblis et Adam? Il y en a eux ils disent, ça veut dire qu'Allah il a créé Adam avec sa force, avec sa quoi. On dit Iblis kadalik. Iblis kadalik, qui c'est qu'il a créé? C'est Allah. Hada c'est un dalil, il est qawi pour celui qui le comprend. Un autre dalil? Quoi, le fait d'expliquer les mains par la force ou par la ni'ma ou par la quwwa, c'est bâtel? Moussanna, l'afdal yad il est moussanna. Bel yada, en arabe yada c'est deux. Tchadam, zid? Ah, Ahsan. Si on dit Al-Yadan Huna, c'est le Quwa, ça veut dire Allah, il a deux forces. Il a deux ni'mah. Il a deux qudras. Ça, c'est batil. Allah, il a le Quwa al-Mutlaqa. La yujizu shay. Allah, ni'amuhu, la tu'ad wa la tuhsa. Alors, chaque année, tafsir ahl al-batil, il est batil. Thumma, il a cité sifat al-ulu. Qui c'est qui a un dalil à la sifat al-ulu? سبح اسم ربك الأعلى زد أنه الدليل أحسنت وهو العلي العظيم تسا سمونت خان الله لفوق كسكن دليل على الاستواء على العرش أحسنت الرحمن على العرش استوى هذا سمونت خان الله لفوق العرش هذا الباب باب الاستواء والعلو والله بيبيون ديتاي إلي مهم كي سكن دليل على صفة الكلام أن الله يتكلم متى شاء من الكتاب أو من السنة أو لدو من الكتاب وكلم الله موسى تكليما أحسنت كي سكن دليل من السنة أحسنت ويقول الله يقول قال الله تصاصد أدلة إذا تكلم الله بالوحي ما هي عقيدة أهل السنة في الكلام سكوا عقيدة السنة في الكلام كلام الله عز وجل ما الدليل أنه يا الصوت دلت سكلات ما الدليل على الصوت يا موسى يا موسى لا شك موسى il a entendu un son il y aurait pas de son موسى il aurait pas entendu في العربية ça s'appelle النداء والنداء il est le son ما الدليل على الحروف qui a des lettres لام حرف لام حرف أحسن ده أن الله يقول في القرآن ألف لام ميم ألف سان حرف لام سان حرف ميم سان حرف كذلك كيف يكون عقيدة السنة في الكلام أحسنت غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود منه بدأ أي سي الله يتكلم به من سيدي في المصحف الآن الآن هناك كلام الله في المصحف في القرآن سي كلام الله منه بدأ سي الله سبحانه وتعالى كبارلي avec ce كلام ما هي عقيدة السنة في القرآن القرآن كلام الله ليس بمخلوق الرؤية رؤية المؤمنين لربهم هل المؤمن سيرى الله سبحانه وتعالى أين يراه دو زندوى يوم القيامة أحسنت عرصات يوم القيامة dès que tout le monde sera rassemblé المؤمنون le verront et le vendredi في الجنة ما الدليل على الرؤية إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته أحسنت إنكم ترون ربكم من القرآن أين الشاهد إلى ربها ناظرة أحسنت هذا سدليل من القرآن أهل الضلال يدين أن الرؤية هنا اليقين أي يوم القيامة تغى اليقين هل هذا التأويل لصحيح ولماذا إلي بصحيح ليس بصحيح لماذا سبوا واضح لماذا لفت فسر الرؤية كي يضع الأدلة يدينس اليقين سبوا صحيح لماذا لا أحسنت أن في الدنيا المؤمن اللي على يقين فسي الرؤية ساسوغ اليقين ساسوغي با خاص بور الجنة بور يوم القيامة لأن في الدنيا كذلك اليقين Et on avait vu les adillat fil yaqin fi shurut la ilaha illallah. Fa al mu'minun yarawna rabbahum yawm al qiyamah wa fil jannah. ما هي عقيدة للسنة في القدر؟ تؤمن بالقدر خيره وشره. عقيدة للسنة أن هذا القدر اللي فوندي سور 4 مراتب. La première. C'est bon, t'étais rentré dans les deux centres هنا. تفضل. العلم, ما الدليل؟ Ça veut dire quoi cette مرتبة العلم؟ Le rapport entre l'ilm et le qadar. Anna Allah Ahsant. Deuxième martaba. Al qadar et l'ilm. Allah il sait tout. Thumma. La deuxième martaba. Al kitab. Allah il sait tout. Kadhalik il a tout écrit. Ma dalil. Avec kitab. Wa min as-sunna? Khamsin alf sana. Anna Allah lamma khalaq al-qalam qala lahu uktub. Troisième martaba. Al-Mashiyya. Ma min shay fi hadha al-kawn illa bi iradati Allah azza wa jalla. Ahsant. Al-rabi' الخلق بمعنى أن الله خلق كل شيء الخير والشر ما الدليل إنا خلقنا كل شيء بقدر وخلق كل شيء وقدره تقديرا الله خالق كل شيء أدلة كثيرة معروفة قد يقول قائل لا شبهة كنا ببيع أن بعض العصاة يستدلون بالقدر فكمو غيبوا هذا Comment on lui répond, Anna? C'est pas une hujja. Idaman. Awalan, tu lui dis, taqillah, Anna, ce que tu as fait, tu le savais pas? Ahzan, tu savais pas que c'était du qadar. Une fois que tu l'as fait, t'as su. Enfin, qu'est-ce que tu lui dis? Ahzan. Fais-tu le hal? الطاعات اتجيس من القدر اتتكاف دمعاصي كذلك احسنت ان الله اضاف العمل الى عبده ما الدليل كل نفس بما كسبت كذلك في الدنيا tu peux interconvaincre pour rapport à الدنيا مثلا tu vas lui citer quoi comme exemple Il y en a eux, ils font ça beaucoup dans les ma'asi, ou dès qu'ils délaissent quelque chose de dit. Amma pour dunya, ça c'est autre chose. Il y a un tas, tu pourras le convaincre, Yad al-Bab. Faut-il ? Ahsan ! Anna, si tu lui proposes deux salaires, maintenant il a un amal à 1000 euros le mois, un autre amal à 5000 euros le mois. C'est le même amal. Sauf que ce patron il est plus généreux que Hala. Thomas, tu lui dis prends 1000 euros. Yakfi, c'est le qadar. Il va te dire là. Il va te dire je prends les 5000 et c'est le qadar. Délaisse les choses pas bien et prends les choses bien et c'est le qadar. Et tout ça, bi-idnillah, on verra en détail le qadar kathiran vi at-tadmouriya. Ma ya aqidat al-sunnah fi l'iman. La foi, c'est quoi inda al-sunnah? La parole, Thomas. Al-amal. Et le troisième? Al-qalb. C'est ça que la différence entre le munafiq et le mu'min. Maintenant, le munafiq, il dit la ilaha illallah. Il dit Muhammad Rasulullah. Il fait salat. Il a ces deux. Là, qu'il lui manque le cœur. Le cœur, c'est la base. Le halou, dès qu'on reproche au awam, au juhal, à l'iman, c'est dans le cœur, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort. Là, ce qu'on reproche, c'est qu'ils disent c'est que dans le cœur. Ça c'est faux. Amma dans le cœur et dans les membres, là chaque c'est aqidat al-sunna. Qawlun wa amalun wa i'tiqad. Kadhalik il manque des choses. Ahsan yazid bi at-ta'a wa yanqus bil ma'siyah. C'est ça aqidat al-sunna bil iman. Thumma shaykhuna ati aw l'imam ibn Qudama il a cité des choses min al-iman. Il a cité quoi? Il a cité des choses qu'on doit croire. Li anna on a un khabar min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mithl madha? ملائكته أحسنت هذا كذلك سكيلا سيد ابن قدامة بعد الدجال الدابة يأجوج ومأجوج تسا سكونا في كذلك الميزان كذلك الحوض إن شاء الله تعالى لبخشان ليف كفغة الواسطية أفغة مراجعة بكو سر كذلك سر يوم القيامة لأن الآن ذهب الوقت الحمد لله كنتنوي هكذا كنتنوي هكذا وزايفين بون مراجعة الحفظ والتعبير وزايف بارتسيبي فجزا الله الجميع خيرا ودما بإذن الله on commence avant de commencer le nouveau livre demain on fait une kalima inshallah demain et après demain et samedi bi'idhnillah on commence al-qawa'id al-mutla sallallahu subhanahu wa ta'ala al-thabat wa al-tawfiq wa al-sadat lil-jami' subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa alhamdulillahi rabbil alamin fikum barakallahu